Chapitre 27. La vérité vous rendra libre. Bienvenue en enfer, bienvenue au paradis. Ici, je vais présenter les deux parce que je voudrais présenter encore une fois et insister encore une fois sur ce paradoxe qu'est cette situation. L'être humain est un être de lumière. Nous sommes tous des êtres de lumière. Et des êtres de lumière ont pour destin de devenir des êtres de lumière illuminés. Des Christos. Christos veut dire oint, c'est-à-dire qui reçoit cette huile divine qui ouvre tous les chakras et l'illumination. Et cette huile divine, elle est en nous, dans nos hormones, dans nos cellules, dans le liquide céphalo-rachidien. Et lorsque nous arrivons à un certain état d'extase, que l'on comprend très bien dans la respiration primaire, quand on étudie l'ostéopathie, eh bien, il y a cette illumination, ce liquide magique, cette huile magique, qui descend sur nous, sur toutes nos cellules, pour reprogrammer tout dans le sens divin, pour redonner une direction, un sens, une vérité, un état christique. Nous sommes cela. En tant qu'enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, ça dépend jusqu'à quand ça dure, nous sommes christiques. C'est pour ça que les enfants sont si beaux, sont si merveilleux, sont si grandioses. Regarder un enfant, c'est regarder la source divine, la source de bonté. Et puis, au bout d'un moment, ces enfants commencent à devenir horribles. Ils ont 3 ans, ils ont 5 ans, ils ont 8 ans, ils commencent à mentir, à manipuler, à tromper. Ils commencent à devenir humains. Ils commencent à apprendre à se recouvrir d'une protection, une coquille d'œuf diabolique, noire, obscure. Dans le monde, j'ai plus de 7 milliards de frères et de sœurs, parce que nous sommes tous des êtres de lumière. J'ai plus de 7 milliards d'êtres d'ennemis, qui sont ces coquilles noires et obscures qu'ils ont dû développer pour survivre dans ce monde obscur, et qui font qu'ils sont mes pires ennemis. Donc, j'ai des frères et sœurs partout dans le monde, mais je leur donnerai jamais mon dos, parce que ce sont des êtres diaboliques aussi. Non pas parce qu'ils sont en essence, mais parce qu'ils ont appris à devenir diaboliques, pour survivre dans ce monde diabolique. Et c'est très très difficile de voir la vérité. C'est très très très difficile de voir la vérité, puisque cette vérité, elle est partout obstruée, cachée, manipulée par le mensonge. Et ça, c'est une chose terrible. Une chose terrible. Il y a peu de temps, j'ai communiqué avec quelqu'un qui vit vers Grenoble, la Suisse, je ne sais pas trop où il est. Didier, il se reconnaîtra. Et je lui expliquais, il me demandait en privé certaines choses par rapport à l'évolution de la planète Terre. Et il me disait, tout ça, c'est pas très jojo, le futur n'est pas très positif. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. En essence de mensonges et de structures mondiales, oui, nous allons tout droit vers la catastrophe, le chaos et l'apocalypse. Mais en même temps, en essence divine que nous sommes, nous avons tout ce qu'il nous faut pour aller vers la lumière. Peut-être que ce sera une lumière hors de cette planète Terre, qu'il faudra quitter la planète Terre. Peut-être que ce sera sur l'éveil de cette planète Terre, même si j'ai un doute très sérieux. Mais notre destin d'humain, d'âme, d'être de lumière, c'est de manifester cette lumière, c'est de vivre cette lumière, c'est d'exprimer cette lumière. Au point où à un moment, notre corps physique sera inutile et qu'il nous faudra nous illuminer tellement que notre corps physique n'aura plus de raison d'être. Donc, en ce sens-là, nous sommes totalement divins. Nous sommes des êtres divins. Mais pour être capable de travailler sur cette divinité, il nous faut aussi nous concentrer sur cette coquille. Cette coquille, ça traite de tous les mensonges que l'on voit et que l'on refuse de voir. Alors, comment se passe le début de la coquille? Eh bien, le début de la coquille noire se passe par le déni. Vraiment, c'est un mot-clé, le déni. C'est-à-dire que l'on va refuser de voir l'obscurité de nos propres parents. Moi, quand j'étais au Bonfin, j'ai vu au Bonfin, l'école de Maître Moine, j'ai vu un être merveilleux, fantastique. J'ai vu un centre fantastique. Et à l'intérieur de ce centre, j'ai vu des monstres. J'ai vu des gens qui volaient de l'argent, j'ai vu des gens qui trompaient, qui manipulaient. Et j'ai vu un maître Moine qui était merveilleux, fantastique, mais qui faisait aussi des choses bien tristes. Parce qu'il est tellement difficile d'être lumineux. Personnellement, je suis un véritable samouraï de la lumière. Je suis un Terminator, comme dans le film de la lumière. J'avance, je ne recule jamais, je n'hésite pas. Je n'accepte aucune négociation ni avec le mal, ni avec l'argent. Est-ce que pour autant je suis parfait? Est-ce que pour autant je n'ai aucun lien avec l'obscurité? Eh bien non. Donc je vais vous révéler mes péchés. Non, c'est simplement le fait que, puisque je refuse de négocier avec le mal, je suis très seul. J'ai autour de moi quelques personnes qui ont envie d'agir vis-à-vis de la lumière, bien des gens qui, au bout d'un moment, ont peur, se trouvent difficiles, c'est trop compliqué, c'est trop fatigant, ils partent. Et ils partent parfois en critiquant, en trahissant, en volant de l'argent, en inventant des histoires. Et puis, tout simplement, au niveau humain, puisque je ne suis absolument pas prêt à négocier l'amour d'une femme en acceptant beaucoup d'obscurité, de chantage, de manipulation, de tromperie, eh bien, je suis condamné à être seul. Or, je suis un être humain qui a besoin d'amour. Vous savez, un jour, j'ai déjà raconté cette histoire. C'est Augusta, qui était la maman de Frédéric Cancouette. Donc, tout ça, ce sont des anciens du Bonfin. Frédéric Cancouette, qui ensuite s'est fait appeler Sarah Cancouette. Maintenant, je ne sais pas comment elle se fait appeler. Taras Bulba, peut-être, je ne sais pas. Je ne suis plus en contact avec eux, même si j'aimais énormément, énormément Pierre-Jean et Frédéric Cancouette. Si quelqu'un est en contact avec Pierre-Jean et Frédéric ou Tchoudesna, leur fille, please, s'il vous plaît, dites-le moi, parce que j'adorerais être en contact avec eux encore. Franchement, parce que je les adorais. C'est des gens qui m'ont énormément apporté aussi du bon vin. Et bref, Augusta, qui donc voyageait avec Maître Omram au Québec, je crois, elle a été témoin d'une terrible engueulade qui s'est passée entre deux groupes. Et puis les gens se sont battus physiquement et le Maître Omram a été appelé au balcon de sa maison et il a hurlé vraiment en colère en disant: vous vous comportez comme des bêtes, je n'irai avec personne, vous êtes stupides, vous êtes des animaux. Et voilà, l'histoire s'est arrêtée là. Et le Maître Omram, qui devait faire quelque chose, je ne sais pas quoi, au Québec, visiter, aller quelque part, a refusé, il n'est allé avec personne. Le soir même, il était dehors dans le jardin, il se promenait. Et Augusta, qui était là, qui a vu le maître se promener vers les 3 h du matin, elle avait une petite maison dans le jardin, elle est arrivée en courant en tant que bonne disciple. Maître, vous voulez une tisane, vous voulez. Et le maître Omram s'est retourné, il pleurait à chaudes larmes. Et il disait: ils comprendront jamais rien, ils ne comprendront jamais rien. Et il est reparti. Et Augusta, elle est restée là, foudroyée, sidérée. Et je me souviens que quand j'ai raconté ça à beaucoup de gens du Bonfin, ils m'ont ri au nez en disant: mais non, un maître ne pleure pas, il est bien au-dessus de ça. Mais mes chers petits-enfants, si le maître Omram est au-dessus de ces choses-là, il ne s'occupe même pas de vous. Il ne tourne même pas la tête vers vous. S'il pleurait, s'il souffrait devant la bêtise des gens, c'est parce qu'il vous aimait. Et vous, en vous aimant, il agissait, il aidait. Mais il souffrait aussi, il pleurait aussi. Et je suis dans la même situation, c'est tout, c'est aussi simple que ça. J'aime les gens qui sont avec moi. J'aime les gens qui me contactent. J'aime les gens quand je vois quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de faire quelque chose. Mais je les aime. Je les aime, franchement. Et puis après, ils me trahissent, ils mentent, ils volent de l'argent. Et je suis triste pour eux. Comment ont-ils pu en arriver là? Comment ont-ils pu en arriver là? Je me souviens de ces deux jeunes qui sont venus me trouver dans ma maison à Nancy. et qui voulait ouvrir une école de magnétisme pour soigner tous les cancers et qui fumait comme des pompiers, qui mangeaient de la viande et ainsi de suite. Et quand j'ai essayé de leur dire, mais non, pas fumer, pas manger de la viande, pas boire de l'alcool, alors après ils ont commencé à inventer que je voulais me mettre à poil devant leurs enfants alors que je les ai jamais rencontrés. C'est eux deux adultes qui sont venus dans ma maison. Et quand ils racontent tout ça après, oh, ils sont offusqués sur ce que j'ai raconté. Oui, bien sûr, bien sûr. Et quand je regarde tout ça, je pleure aussi. Et je dis, mes pauvres enfants, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait pour en arriver là? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait pour en arriver là? Et quand j'étais au bon fin, il y a ce speech très paradoxal, c'est-à-dire que moi, au bon fin, quand je faisais des exercices magiques de channeling et ainsi de suite, ça n'a jamais aussi bien marché et jamais été aussi facile qu'au bon fin et qu'au rocher, qui est donc un petit peu au-dessus du bon fin, l'endroit de méditation. C'est vrai, c'est absolument vrai, je ne peux pas nier ça. Mais en même temps, j'ai rencontré des gens qui souffraient horriblement au bon fin. Parce qu'il ne faut pas parler, parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'ils sont obsédés par rapport à ça, par rapport à ceci, par rapport à cela. Et quand on regarde ça, moi, plus je découvrais ça, et plus j'étais en admiration devant le maître en moi. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a encaissé? Qu'est-ce qu'il a souffert? Qu'est-ce qu'il a souffert? Qu'est-ce qu'il a souffert? J'avais mon ami Patrick Camus, qui était médecin, qui habitait juste en dessous du rocher. Il avait la première maison au Capitou, juste en dessous du rocher. Il l'avait acheté pour cela. Et c'était mon meilleur ami, ou un de mes meilleurs amis. Et il m'a raconté tellement de choses horribles sur le bon fin, de jalousie, d'horreur, de violence et même de mort. Et quand on entend ça, ça paraît tellement paradoxal, tellement paradoxal. C'est parce qu'il y a une grande différence entre l'être de lumière que nous sommes et puis l'être diabolique que les gens apprennent à devenir à travers l'éducation de cette société, à travers tous les mensonges, à travers toutes ces horreurs qu'il nous faut assimiler perpétuellement pour accepter. Au bon fin, les gens vont croire qu'ils sont végétariens, mais ils mangent du poisson. Le poisson, c'est pas exactement un végétal. Donc si vous allez n'importe où et que vous dites « je suis végétarien mais je mange du poisson », on va vous rironner les enfants, les bons finnois, on va vous rironner. Seulement voilà, quand moi j'ai parlé avec Maître Amram, il m'a dit « c'est le maximum que je puisse leur demander ». Le maître Peter Donov, il parlait d'être fructivore. Granivore et fructivore, c'était le but à atteindre. Entre granivore et fructivore, ce qui est encore moins que végétalien, et un pseudo-végétarien qui mange du poisson, il y a une petite dégénérescence dans l'évolution quand même, devrais-je dire dans l'involution. Seulement, c'est ce que le maître Amram pouvait faire de mieux avec les gens du bon fin, bourgeois, arrogants, friqués et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que, c'est l'ensemble du monde qui est comme ça. C'est l'ensemble de l'humanité qui est comme ça. Nous sommes remplis de mensonges. Remplis de mensonges. Si on prend l'histoire humaine, on comprend à quel point on se remplit d'une folie totale. Par exemple, Hitler a fait la guerre de 39-45. Et puis, bien attrapé dans son blocus en 1945, il s'est suicidé. Et d'ailleurs, on en a la preuve, puisqu'il y a un Français qui a pu analyser le crâne de Hitler, enfin les restes de Hitler en Russie, et qui a eu la preuve que c'était bien Hitler. Or, quand on se renseigne un petit peu, on va savoir que le Français qui a pu analyser ça, parce que la France était très embarrassée dans cette histoire-là, il a eu accès au crâne environ un quart d'heure. Donc en un quart d'heure, il a eu l'extraordinaire capacité d'être certain que c'était le crâne de Hitler. Et alors il faut savoir encore plus comment il a reconnu ça, c'est grâce aux dentitions. Car il a découvert que le palais de Hitler était déformé parce qu'il était végétarien. Et comme il était végétarien, comme il est bien connu, tous les végétariens ont une déformation de la mâchoire. Parce qu'ils s'atrophient, les pauvres, parce que c'est grave hein, d'être végétarien. Je veux dire, en France, c'est très grave d'être végétarien. Donc c'est comme ça qu'on a pu prouver que Hitler, c'était bien le crâne de Hitler. Alors il faut savoir qu'on a retrouvé les carnets du cuisinier privé de Hitler et qu'il n'y avait que des choses à la viande. Dans les stocks qu'on a retrouvés de Hitler, il y avait de la viande partout. Donc premièrement, c'est absolument pas végétarien, c'est un mensonge, c'est juste pour la présentation. Donc d'abord, il n'était pas végétarien. C'est un mensonge total. Deuxièmement, c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on a une déformation de la mâchoire. Je vous jure que ça, c'est une théorie fumiste française. N'importe où ailleurs, dans n'importe quel autre pays où vous dites ça, on va vous rire au nez, les petits cœurs. Hein. On vous dit ça parce que vous êtes français, parce qu'en France, c'est très dangereux d'être végétarien. Même le pauvre Hitler avait sa mâchoire déformée, vous vous rendez compte? Donc là, c'est un ensemble de stupidités. Le mec, en un quart d'heure, il a réussi à reconnaître un crâne qui était contenu dans de très mauvaises conditions. On lui a autorisé à toucher le crâne pendant un quart d'heure maximum. C'était contenu dans une boîte de cigares avec plein de gens qui avaient touché ça. Pouf, lui, il a réussi à prouver. Ouh, ben là, je me sens... En fait, Hitler a fui. Il s'est absolument pas suicidé. Il a fui. Il est parti en Amérique du Sud. Et d'ailleurs, tout le monde le savait. Surtout aux États-Unis, on le savait. Et il y a même une ville en Argentine qui est absolument connue comme la ville de Hitler. Il y a même le château de Hitler, puisqu'il a vécu pendant très longtemps. Il a agonisé doucement parce qu'il était quand même malade, mais il a quand même reçu des traitements fantastiques. Et il est mort en 1973. Oui, oui, il a profité de la vie avec au moins 5000 nazis qui étaient autour de lui dans cette même ville. Il a été là-bas avec les trésors de la guerre allemande, des lingots d'or et ainsi de suite, extrêmement riche. Il n'a jamais pu dépenser tout son argent. D'ailleurs, l'ange de la mort, j'oublie toujours son nom, qui s'est d'ailleurs occupé de lui de 72 à 73 dans un hôtel dans un autre pays que l'Argentine, j'ai oublié lequel, pour la dernière année d'agonie de Hitler, lui-même est mort en 1978 ou 79 au Brésil. C'est absolument pas un secret, je veux dire, c'est un état de fait. Comment est-ce que ça puisse passer comme ça? D'abord parce que le Vatican était tout à fait d'accord avec les nazis, et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les juifs qui ont condamné Hitler. Et puis bon, le contrôle du monde, etc. Hein. Les Allemands, ils avaient sur leur ceinture « Gott mit uns », ce qui veut dire « Dieu avec nous ».« Gott mit uns ». Donc quand on dit que Hitler n'était pas du tout chrétien, c'est absolument faux. Hein. S'il y avait des chrétiens qui le dérangeaient, oui, il les flinguait, c'est clair. Il ne faisait pas dans le détail. Mais il était totalement chrétien et pour le christianisme. D'ailleurs, « Mein Kampf » n'a jamais été un livre qui fut condamné par le Vatican. Hein. Jean-Paul Sartre s'est condamné par le Vatican. Certains livres de communistes sont condamnés par le Vatican. Vous ne pouvez pas rentrer au Vatican avec ce livre-là, vous pouvez être excommunié. Mais vous pouvez rentrer avec Mein Kampf sous le bras. Il n'y a pas de problème. Ça n'a jamais été interdit. Soit pendant la guerre, soit même maintenant. Et le Vatican a largement aidé les nazis à partir de l'Allemagne après la guerre. De surcroît, il y a eu l'opération Paperclip, qui fait que von Braun, qui était l'inventeur des V1 et des V2, qu'on a retrouvé à la tête d'un camp de concentration avec 10 000 personnes mortes dans le camp de concentration qui fabriquaient avant de mourir les V1 et les V2, et bien d'autres qui étaient prisonniers et qui travaillaient, 10 000 victimes, plus toutes les victimes de l'Angleterre, évidemment, avec les V1 et les V2, eh ben von Braun n'a eu aucun problème. Il a été invité pour travailler aux États-Unis, et quand il a été invité pour travailler aux États-Unis, il a dit oui, oui, mais je ne peux pas faire tout ça seul, donc j'ai besoin de collègues. Alors on s'attendait à une dizaine ou une vingtaine de collègues dont von Braun aurait besoin pour travailler à la NASA. En fait, il en a demandé 5000. Il y a 5000 nazis, c'est tout à fait officiel, qui par l'opération Paperclip ont été sauvés et récupérés et ramenés aux États-Unis, vie luxuriante et ainsi de suite, pour continuer à travailler, à fabriquer les V1 et les V2, enfin les roquettes, les bombes atomiques et ainsi de suite. Et la réalité, c'est que les États-Unis ont rapatrié encore plus de monde, soit au moins 15 000 nazis, et que les autres ont été rapatriés en Argentine avec Hitler, et qu'il y avait toujours cette épée de Damoclès: si vous ne fabriquez pas exactement tout ce qu'on veut, que vous n'êtes pas hyper productif, on arrête Hitler et toute la ville. Donc Paperclip a permis aux Américains à faire un super chantage sur les scientifiques pour fabriquer les fusées qui allaient sur la Lune. Alors, parlons des fusées qui allaient sur la Lune. En fait, c'était une excuse. Ils ont payé des centaines de milliards de dollars pour emmener 30 kilos de terre lunienne. C'est sûr, évidemment. Les Américains sont connus pour des actions comme ça, scientifiques, à fond perdu. Non, en fait, la recherche d'aller sur la Lune, c'était d'abord partie de la guerre froide, ça faisait partie de la guerre froide contre les Russes, donc c'est une manœuvre de guerre, et surtout, c'était une couverture pour faire dépenser des milliards de dollars sur les recherches de bombes, parce que les bombes et la fusée pour aller sur la Lune, c'était exactement la même chose. Si vous vous renseignez, vous saurez que le premier cosmonaute qui était très très connu aux États-Unis, lui, il a dit: aller sur la Lune, c'est de la folie furieuse, c'est totalement impossible. Oh ben, il y a eu un accident, il est mort, dites donc. Brûlé vif dans la première fusée. Parce qu'il commençait à parler un peu trop fort, que c'était totalement réaliste. Bien sûr. Lorsque la première fusée a été envoyée, les Américains n'étaient même pas prêts. Devant le pari de faire ça avant 1970, c'était même pas prêt. Ils ont demandé à Stanley Kubrick de faire un film. C'est pourquoi le film que vous voyez avec les Américains qui atterrissent sur la Lune, ça a été tourné dans un studio de Londres. Et c'est pourquoi vous avez tellement d'illogisme et d'incompréhension. Alors de là à dire que les Américains n'ont jamais été sur la Lune, non, je ne crois pas. Mais qu'ils étaient incapables de filmer et de faire ça à la date annoncée, oui, totalement, c'est évident. D'ailleurs, les trois Américains qui ont été sur la Lune officiellement sont devenus: un, il s'est retiré dans un monastère, n'a plus voulu parler à personne, un autre est devenu fou avec des déclarations très étranges, et le troisième est devenu subitement alcoolique jusqu'au dernier niveau. Alors que ceux qui sont envoyés quand même sur la Lune, c'est des surhommes, hein. C'est des surhommes. Ils sont sélectionnés parmi les meilleurs pilotes qui sont déjà des surhommes. Donc c'est des surhommes de surhommes de surhommes. Donc quand vous prenez tout ça ensemble, moi je me souviens, j'étais un enfant, j'avais à ce temps-là 8-9 ans, et c'est la première fois que mon papa m'avait autorisé à rester debout, et c'était minuit, 2h du matin, j'oubliais, et en pleine nuit j'ai vu le premier pas de l'homme sur la Lune. En fait, c'était le premier pas de l'homme dans un studio à Londres. Et voilà. Et cet ensemble-là, vous pouvez le prendre sur les aspects, tous les aspects, tout ce que vous savez est faux. Et plus vous serez toutes ces, vous démasquerez toutes ces erreurs, tous ces mensonges, et plus vous serez capable de libérer votre psychologie, parce que votre psychologie, c'est une fuite d'impossibilité, parce que vous suivez des croyances négatives que vous prenez pour des vérités absolues, et comme ces vérités absolues que vous prenez en tant que telles sont dures comme fer, votre mental ne peut pas briser ce fer. Et votre existence est faite de limites, de croyances, de frustrations, de terreurs, de stupidité, de noirceur, de violence, de trahison, qui sont devenues des vérités absolues. Vous êtes des êtres de lumière, éduqués à devenir des êtres démoniaques. Et plus vous démasquez cet ensemble démoniaque, et plus vous apprenez à devenir des êtres de lumière. On avance vers la lumière de deux façons différentes. On avance en développant sa lumière, son amour, son courage, sa dignité, son honneur, mais en démasquant toutes les horreurs de ce monde. Toutes les horreurs de ce monde. Et quand je décris des défauts horribles chez Maître Omram ou chez les membres du Bon Fin, ainsi de suite, je pourrais vous faire la même chose dans plein d'écoles différentes. J'ai travaillé dans plein d'écoles Shaolin, des écoles d'arts martiaux japonaises. Hein. J'ai vu des choses horribles, des gens qui sont trahis, qui sont... Mais des choses mais diaboliques, diaboliques. J'ai travaillé avec un maître de karaté, maître Harada, disciple du maître Shigeru Egami, qui fut aussi mon maître. Et quand je vais chez ce maître Arada, il me reçoit très négativement, surtout ses disciples. Or, il se trouve que pendant des années, j'ai été le disciple du maître Murakami Tetsuji. Donc, j'ai le style Murakami Tetsuji. Je bouge à la Murakami Tetsuji. Et surtout, je suis le membre fondateur de l'IKDS, International Karate Do Shotokai, pour protéger les intérêts de la famille Murakami. Et quand j'arrive là, je ne suis pas du tout bien reçu. Et après, je demande aux disciples, je dis, hey, calmez-vous, moi je viens poliment, je vois pourquoi tout le monde réagit comme ça. Et alors on m'explique, mais tu ne sais pas ce que le maître Murakami a fait, ton maître. Je dis, ben non, expliquez-moi. Eh bien, il a étudié le karaté grâce au maître Arada. Il a eu le diplôme du cinquième dan du maître Shigeru Egami grâce au maître Arada. Et une fois qu'il a eu son cinquième dan, il a fait une lettre à la police intérieure en déclarant que le maître Arada était un espion, qu'il fallait le chasser de la France, qu'il était un terroriste, qu'il était très dangereux. Ce qui est arrivé, il a été chassé de la France pour que Murakami ait le libre accès à la France, à certains pays européens. Et à ceci, je dis non, vous rigolez. Puis j'ai fait des recherches parce que je crois personne, je vérifie sans arrêt. Et j'ai retrouvé la lettre. Parce que j'ai des amis au renseignement généraux, donc j'ai retrouvé la lettre. Et plus tard, j'ai fait un stage avec le maître Arada, et j'ai été voir le maître Arada. À la fin du stage, j'ai été le voir, et je lui ai dit, maître, je voudrais présenter mon déshonneur à vous, et vous présenter mes excuses. Il m'a dit, mais pourquoi ? Donc je lui ai expliqué pour ce que mon maître a fait. Il m'a dit, mais c'est votre maître qui a fait ça, c'est pas vous. Je dis, je viens avec l'étiquette Murakami Tetsuji, je suis l'un des leaders de l'IKDS, je viens avec son étiquette, je viens aussi avec son déshonneur. Donc je vous prie de recevoir mes excuses les plus plates pour tout son déshonneur. Et après avoir refusé un petit peu, il s'est reculé un petit peu, il m'a salué et il m'a dit, je reçois vos excuses avec honneur et force. Et donc je l'ai salué avec respect et il m'a dit, vous savez, je vais tout de même vous dire quelque chose. Moi, je pensais que le maître Murakami Tetsuji n'était pas un grand maître après ce qu'il m'avait fait. Mais quand je vois comment vous vous comportez et comment vous venez vous excuser en son nom, finalement, je vais changer mon avis au sujet de votre maître. Peut-être qu'au regard du disciple que vous êtes, votre maître était véritablement un grand maître. Merci. Et que votre chemin dans les arts martiaux soit grand et honorable. Et c'est ainsi que j'ai quitté le maître Arada. Et quand vous voyez cette merde de partout, mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Mais quelle chure! Mais quelle chure! Et ça, c'est partout. C'est partout. J'ai appris toutes ces choses-là, j'ai vu toutes ces choses-là. Et quand je vois des êtres qui sont méchants, lâches, traîtres, qui font le contraire de ce qu'ils ont dit, qui trahissent, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec tous les mensonges qu'ils ont assimilés? Parlons de Constantin. Constantin est un empereur romain qui comprend en l'an 300 environ que le courant christique devient un courant dangereux, puissant. Donc il va décider que l'Empire va devenir chrétien. Il va avoir une révélation et il va dire que tout le monde doit devenir chrétien. Ceci étant, lui-même ne se fera baptiser qu'à sa mort, 14 ans après son illumination chrétienne. Donc déjà là, vous avez un petit doute sur son illumination. De surcroît, il faut savoir que Constantin, qui est un homme de pouvoir, voit dans le christianisme un courant de pouvoir. La mère de Constantin va faire un voyage à Jérusalem et 300 ans après les événements, elle va retrouver la couronne d'épines, elle va retrouver la croix, c'est encore un miracle, c'est fantastique. Après 300 ans, elle retrouve tout, elle revient avec tout ça. Et Constantin va organiser le concile de Nicée. Et dans le concile de Nicée, il va décider. Le pape n'est pas invité, étrangement. Oh ben non, c'est pas intéressant, ne venez pas. Il est foutu à la porte. Et il y a là que certains experts catholiques, chrétiens. Et ils sont 1500. Et Constantin va dire, bon, ben, ça on prend, ça on prend, ça on prend pas, ça on prend pas, puisqu'en fait, il va prendre dans la Bible tout ce qui l'intéresse au niveau du pouvoir. Et y a les experts chrétiens, ils refusent. Ils se rebellent. Il y en a 1200 qui sont manu militari jetés dehors, des fois avec violence et même en tuant. Il en reste 300, les plus faibles, les plus dociles. Et ces 300-là vont dire, oui, vous avez raison. Donc on va vous dire, au concile de Nicée, à l'unanimité, a été voté que la Bible sera ceci. Oui, sur les 300 restants, sur les 1500 d'origine, et sans le pape, et avec les menaces très claires des militaires pour signer. Pour autant, la Bible, c'est un livre qui n'est fait, qui n'est écrit que par la volonté divine. Ou enfin, la volonté divine, et aussi Constantin, qui était un gros enfoiré. Constantin, qui était tellement obsédé par lui-même, qu'il va mourir au mois de avril, je crois, avril-mai, et qu'il va décider que son cadavre sera exposé à Rome, à Rome, il fait chaud, hein. Au gouvernement, au parlement, et que les parlementaires devront s'adresser à Constantin mort comme s'il était vivant. Et ceci jusqu'à fin septembre, où il sera finalement enterré. Donc je ne vous dis pas l'état du cadavre, juin, juillet, août, septembre, en plein été. Donc le mec, c'est un barge fini. Et c'est lui qui a décidé de ce que serait la Bible, le Nouveau Testament. Évidemment. Mais c'est que la volonté de Dieu. Et je connais tellement de gens qui souffrent à cause de la Bible. Parce que dans la Bible n'est écrit que la volonté de Dieu. Et quand vous prenez ces faits historiques, vous êtes dans le caca. Surtout qu'avant cela, il faut savoir que déjà, les écrits ont été sélectionnés par Saint Paul. Saint Paul, qui est un fou mystique, qui n'a jamais rencontré Jésus, malgré tout ce qui peut être raconté. Vous pouvez vérifier dans la Bible. En fait, il y a même Barnabas, qui est un disciple proche de Jésus et qui voyage avec Saint Paul et qui va s'engueuler avec lui en lui disant « Je ne veux même plus t'adresser la parole tellement t'es dégueulasse et ne se rencontreront plus jamais parce que Barnabas ne veut plus entendre parler de Saint Paul tellement c'est un menteur et un fou. » Saint Paul, c'est un impuissant sexuel, c'est un homme qui déteste les femmes et c'est lui qui va dans la Bible inventer plein de choses en disant la femme est coupable, la femme est moche, la femme est horrible, la femme est... Jésus n'a jamais parlé de la femme comme ça. C'est Saint Paul qui en a parlé. Pire que ça, quand on va présenter l'esclavagisme à Saint Paul, Saint Paul va dire on pourrait être un peu plus sympa avec les aveugles. Avec les aveugles, avec avec les aveugles aussi, parce que je suis. Non, avec les esclaves. Et il ne dira jamais que l'esclavagisme est dégoûtant. Jésus qui prêchait la liberté, le respect, l'humanité, pas de peuple inférieur malgré l'enseignement juif, parce que ça fait partie de l'enseignement juif, hein. Tu ne vas pas sur tel ou tel terrain, parce que ce sont des terrains impurs, habités par des peuples impurs. Ce que Hitler a déclaré contre les juifs en disant c'est un peuple impur, il n'a rien inventé, hein. Il a pris l'enseignement des juifs, parce que les juifs ont plein de peuples impurs, tels les Palestiniens par exemple, pour ne citer qu'eux, et bien d'autres en ce temps-là. Donc, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, les Juifs en Israël font aux Palestiniens ce que les Allemands faisaient avant aux Juifs. Donc, vous voyez, c'est même famille, même. Et Jésus, il est contre le peuple impur, enfin, la philosophie des peuples impurs. Il est contre l'esclavagisme, évidemment. Mais Saint Paul va dire, on pourrait être un peu plus tolérant avec les esclaves. Ce qui veut dire oui pour l'esclavagisme. Donc vous avez déjà Saint Paul qui a sélectionné et supprimé énormément de textes, hein, parce qu'il y avait 144 témoignages n'ont été gardés que quelques-uns. On ne sait pas précisément 5, 6, 7. Puis Constantin va supprimer énormément de témoignages une nouvelle fois de sens. Enfin, Saint Paul, ça a été écrit 50 ans, 60 ans après la mort de Jésus. Donc déjà, les témoins directs, vous pouvez oublier, hein, ce sont déjà l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu la bête. Et Constantin, il va en faire une deuxième couche pour ne garder que les choses qui n'effleurent pas négativement le pouvoir de Rome. Parce que la Bible n'est intéressante que pour sanctifier et renforcer le pouvoir de Rome. Et tout ça, c'est la volonté de Dieu. Ben, Dieu, il a pris de l'âge, hein. Ben, remarquez, il a des milliards d'années, donc il est peut-être un peu fatigué, mais quand même. Mais analysez un petit peu, sérieusement. Vous voyez, et là, vous dites, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Tournez-vous vers le grand livre de la nature vivante. Le seul qui a été écrit par Dieu. Les arbres, comme nous le pratiquons dans l'enseignement Shaolin, observez les arbres, le vent, la mer, la rivière, les animaux, et apprenez la lumière, le lever de soleil, le coucher de soleil, la respiration, la lave, la pierre, le bois. C'est une lecture un peu plus compliquée, mais ô combien authentique, car il n'y a pas eu de pouvoir humain au milieu pour tout transformer. Saviez-vous que Mahomet, par exemple, il va se marier avec une fille, j'ai oublié son nom, elle a 9 ans. C'est sa dernière femme, elle a 9 ans. Mais comme c'est un gentleman, Mahomet, il va quand même attendre 3 ans avant de consommer l'acte sexuel. Donc il va la baiser à 12 ans, ça s'appelle de la pédophilie quand même, hein. Et vous allez aussi, vous devez savoir aussi que la réalité de l'histoire, c'est un fait historique, c'est que Joseph, il va récupérer Marie quand elle est très jeune, elle a 12-14 ans, et lui-même, il a une 60aine d'années aussi, hein. Quand ils ont un enfant ensemble, sans que ça soit ensemble, puisque c'est une conception divine, blablabla, j'ai un petit doute aussi, Joseph, il a plus de 70 ans. Ah, on vous présente toujours le couple. Ben non, Joseph, il a 70 ans, tandis que Marie, il a une 20aine d'années. Ça craint un peu quand même, hein, aussi. Et toutes ces choses-là ne vous seront jamais présentées. Comment pouvez-vous aller vers un chemin de lumière? Maintenant qu'on soit bien clair, Jésus-Christ est un maître de lumière. Ça, c'est absolument clair. Qu'il y a eu un être de lumière inspiré, qui symbolisait, qui était vraiment christique, qui avait reçu cette huile divine pour devenir totalement christique. Et lorsqu'il dit « Mon Père, lorsque j'agis, mon Père agit avec moi », il dit « Lorsque j'agis, j'agis avec le cosmos ». Et j'ose espérer que lorsque j'agis, j'agis avec le cosmos. Quand je protège la vie, quand je refuse de détruire la vie, quand j'agis pour protéger, pour dire la vérité, même si tout le monde me hait et me critique et que tout le monde voudrait me voir mort, j'agis avec mon Père cosmique. Mais je ne suis pas le Fils de Dieu. Je suis illuminé par la vérité de la lumière et de l'amour. Peut-on être divin ? Christique, sans être pour autant l'origine d'une nouvelle religion, sans être pour autant un pauvre con. Oh ben moi, mon avis, mon opinion, c'est que il s'agit plus d'une opinion, il s'agit d'une vérité cosmique, parce que nous sommes cosmiques. Mais je ne suis pas seul. C'est l'essence même du devenir humain. Et pour ça, il faut savoir démasquer tous les mensonges. Vous voyez, j'ai le plaisir, je ne l'ai pas caché, ce n'est pas un secret, d'être diabétique. Parce que j'ai perdu quelqu'un il y a très longtemps, dans une histoire terrible, d'une violence inimaginable. J'en ai terriblement souffert et j'en suis devenu diabétique. Et j'utilise actuellement Freestyle. Freestyle, c'est un système, un espèce de capteur que vous avez sur le bras et qui analyse votre taux de sucre perpétuellement. Donc vous passez l'ordinateur devant le capteur et paf, vous avez votre taux de sucre. Or ce système déconne de plus en plus, c'est une escroquerie, de plus en plus. Ça vaut 100 euros pièce, ça dure 14 jours, donc ça fait plus de 200 euros par mois. Et ça marche de moins en moins bien, de moins en moins longtemps, enfin c'est une catastrophe. Alors récemment j'ai fait des films sur mon canal en critiquant le système Freestyle. Et c'est très impressionnant. Très impressionnant, parce que j'ai présenté des preuves absolues. Il n'y a pas une personne, jusqu'à présent, qui ait dit « t'as raison, c'est de la merde ». Ils sont là, ils disent « ah, mais c'est parce qu'il faut faire ça, ah, mais tu peux te faire rembourser, ah, mais ceci ou cela, ah, mais ceci ou cela ». On excuse l'inacceptable, parce qu'on ne va pas exprimer sa voix claire et nette contre une escroquerie. Freestyle, c'est un truc qui s'est développé dans le monde entier, c'est une multinationale, c'est terriblement puissant. Donc on va pas dire, t'as raison, c'est de la merde, c'est une escroquerie. 200 euros par mois pour que ça fonctionne pas, ça vend de la merde. Non, on a toujours des excuses pour justifier que. Mais E.G., par exemple, quand il parle, on le critique parce qu'il dit des gros mots. Et s'il était un véritable maître de lumière, il utiliserait un tout autre vocabulaire, bien entendu. Mais Freestyle, une super compagnie ultra puissante, elle peut vendre des choses à 200 euros qui ne fonctionnent pas, qui sont dangereux pour la santé. On est quand même de leur côté parce que puissance oblige. Pouvoir oblige. Tout cela, c'est la manifestation de l'obscur, même dans les plus petits détails. Apprenez à aimer la lumière. Apprenez à exprimer la lumière. Apprenez à aimer par-dessus tout la lumière. À vivre la lumière. À vibrer la lumière. N'ayez peur de rien. Dans le bouddhisme, il y a deux chemins. Le chemin de l'amour et le chemin de la peur. Tout ce que je décris dans le noir, c'est le chemin de la peur. Je vous invite au chemin de l'amour. Vivez et exprimez l'amour, la lumière et l'essence de ce que vous êtes. Souvenez-vous de ce que vous étiez en tant qu'enfant, car c'est ce que vous êtes réellement. Vous avez acquis de l'expérience pour être un enfant pur, encore plus puissant et fantastique, mais pas pour devenir un être diabolique, monstrueux, moche et minable. Il y a un futur lumineux. Un devenir humain merveilleux qui n'est accessible qu'à ceux qui ont le courage de voir et de vivre la lumière. Saviez-vous que l'argent n'existe pas ? De l'argent qui n'existe pas, de l'argent scriptural, on invente de l'argent sur l'argent. Qu'aujourd'hui, la dette mondiale de chaque pays dépasse des dizaines de fois la dette mondiale de la planète Terre. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Donc le système que nous avons va s'écrouler. On peut dire d'ici quelques mois à quelques années, 5-6 ans maximum, le système va s'écrouler. 10 ans grand maximum, le système explosera. Devrais-je dire implosera. Nous aurons le moindre problème, une grande canicule, telle que nous avons actuellement au mois de juillet, un tremblement de terre, un volcan, une explosion, un météorite, et le monde risque de s'écrouler à la première chose, parce que maintenant c'est devenu un château de cartes de mensonge total. Pourtant, votre vie n'aura d'existence que de cumuler de cet argent qui va s'écrouler et qui n'existe pas. Ouais. Donc je comprends que vous utilisiez cet argent pour acheter des choses, mais acheter des choses solides, de la nourriture. Achetez des choses pour survivre. N'achetez pas des choses pour construire votre avenir dans un monde qui ne peut pas continuer à exister. C'est impossible. C'est totalement impossible. Et pourtant, tout n'existe que sur ça et sur la peur de perdre cet argent. Ben, n'ayez plus peur, vous allez le perdre. Hein. Ça va arriver incessamment sous peu. Plus de 10 000 crop circles dans le monde, avec la preuve absolue que chacun est fait d'une façon qui dépasse toute méthode que l'on puisse connaître sur la planète Terre. Donc ça ne vient pas de la planète Terre, mais on n'en parle pas. Plus de 150 millions de personnes dans le monde qui ont vu des vaisseaux inexplicables dans le ciel. 150 millions de personnes. Plus de 280 millions de personnes qui ont vécu des NDE, des EMI, expériences de mort rapprochée, immédiate, EMI, imminente, et pourtant personne ne parle de ce qu'ils ont vécu. Ça ne provoque aucune révolution, aucune transformation, aucun changement dans le système. Mais quand vous êtes incapable d'entendre 280 millions de personnes, c'est la peur, la terreur, le pouvoir total, absolu, complet. Saviez-vous que Jésus se faisait appeler Rabbi ? Même par ses ennemis, il se faisait appeler Rabbi. Et rabbi, en hébreu, ça veut dire maître. Or, prenons l'enseignement juif. Croissez et multipliez-vous. Sachez que le fait d'avoir des enfants est une chose tellement importante en Israël que c'est le seul pays au monde, à ma connaissance, où on doit d'avorter virtuellement jusqu'à la fin, au huitième mois et demi. Si on découvre que notre enfant est mal formé, qu'il sera inutilisable pour le pays, on a le droit d'avorter. Parce qu'il est extrêmement important d'avoir des enfants, de croiser et de multiplier, avec des enfants, saints qui vont eux-mêmes transporter des enfants, et ainsi de suite. Donc encore une fois, Hitler qui détestait les handicapés, les improductifs, croyez-le bien, Israël fait exactement, totalement la même chose. Non, je ne suis pas antisémite. Ani medaber mevin tov meodiferit. Ça veut dire que je parle hébreu et je comprends très bien. Je n'ai pas étudié cette langue pour être antisémite. J'avais même l'intention à un moment de vivre en Israël. Non pas de devenir juif, mais de devenir citadin israélien. Jusqu'au moment où j'ai découvert ce qui se passait avec les Palestiniens. Donc non, je ne suis pas antisémite, mais il y a des choses qui sont là, qu'il faut reconnaître. Or, c'est tellement présent que pour avoir le titre de rabbi en Israël, il faut trois choses. Il faut avoir plus de 30 ans, ce qui correspond parfaitement à des états de neurologie dans le développement du système du système frontal neurocortex, où l'évolution totale se fait à l'âge de 30 ans. Donc étrangement, les Hébreux ont parfaitement raison sur ça. Ils considèrent un être totalement adulte à l'âge de 30 ans. Il doit connaître les Écritures anciennes, puisque les Écritures nouvelles, c'est la histoire de Jésus, et c'est pas reconnu au moment de Jésus, évidemment. Et être marié, avoir des enfants. C'est-à-dire être l'incarnation de la pratique de cette religion, croissez et multipliez-vous. Pourtant, même les ennemis de Jésus appellent Jésus « Rabbi ». Ce qui est, malgré toutes les censures qu'ils ont essayé d'avoir, la preuve absolue que Jésus est marié et a des enfants. Sinon, il n'est pas un maître, il n'a pas à parler parce qu'il a trahi la religion juive. Et dans ce cas-là, on n'invite pas à parler, et encore moins, même ses ennemis ne l'appellent certainement pas rabbi. Et oui, il suffit de prendre les choses ensemble et on se réveille d'un cauchemar. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Jésus, quand il va mourir, il va être enterré et il va revenir à la vie 3 jours plus tard. Renseignez-vous un petit peu et vous trouverez des légendes égyptiennes où on raconte la même chose sur Dionysos, des dieux grecs, des dieux égyptiens, des prophètes qui sont morts, qui ont été enterrés et qui sont revenus à la vie 3 jours plus tard. C'est une image répétée pour, comment dirais-je, pardon, pour signer l'identité divine. Ça ne se passe pas que dans la Bible, on va le retrouver chez les Égyptiens, chez les Grecs. Alors, si le retour à la vie de Jésus est un événement concret, isolé et merveilleux et fantastique, se pourrait-il que tous les inspirés du monde soient coutumiers du même fait? Tiens, après la mort, 3 jours après, je reviens à la vie. Donc ici, on a, si on fait quelques recherches historiques, on a des doutes, mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire que Jésus n'était pas inspiré, que Bouddha n'était pas inspiré, que Pan n'était pas inspiré, que Dionysos n'était pas inspiré, que Krishna n'était pas inspiré, et tellement d'autres dont je ne connais pas le nom forcément. L'état christique de recevoir cette essence divine, cette cohérence divine en nous, est ouverte à toute personne qui s'engage ouvertement dans la chasse de l'obscur et dans la découverte de la vérité. Et notre destin lumineux est grand, infini, merveilleux si nous développons le pouvoir de briser les manipulations de l'obscur pour aller vers l'avant de la lumière, vers l'avant de notre aventure christique. Souvent dans la vie, je me dis, pourquoi devrais-je continuer? Je suis souvent seul contre un million, à me battre pour la vérité, pour la lumière, pour l'amour, pour la fraternité. Mais en même temps, c'est vrai que quand je regarde le monde, je me dis, c'est foutu. Un jour, j'étais à Paris pour un concert de musique baroque. Il y avait là 4 musiciens qui jouaient comme des dieux. On était dans une église où il pouvait y avoir 300 personnes. Et on était 20 ou 30 spectateurs. J'avais honte. Et les musiciens n'ont rien dit. Et après, ils ont joué d'une façon merveilleuse. Et puis après, on est parti. C'était proche des Champs-Élysées. Et quand on était sur les Champs-Élysées, c'était déjà 11h du soir, quelque chose comme ça. C'était totalement vide. Et d'une seconde à l'autre, on s'est retrouvé dans un bouchon avec des gens debout sur les voitures qui hurlaient. Ils sortaient du stade parce qu'il y avait un match de foot. Et pendant que les gens hurlaient et klaxonnaient et que tout était bloqué pour le match de foot, après notre concert avec 20 ou 30 personnes, j'ai regardé ma copine et j'ai dit « On s'en sortira jamais. C'est fini. Le monde est trop con. C'est terminé. Il n'y a aucune chance. » Et puis, par ailleurs, je me tourne vers certaines personnes. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Je pourrais parler de Anaëlle, Cristalène, Didier, Chabi, Joanne, Louisa, Georgia, Nathalie du Bonfin, Helena, Michael, Vincent. Qu'y a-t-il d'autre encore? Jess. Il n'y a pas tant de personnes que ça. Si peu. Peut-être en ai-je oublié encore deux ou trois. Veuillez m'en excuser. Mais tous ces gens-là cumulés, quand des fois je veux entièrement abandonner, je dis allez, pour eux, on continue encore. On dit la vérité. Et peut-être que parmi vous, certains qui m'entendaient actuellement, vous finirez par être touchés par ce que je dis. Je ne joue pas au grand maître. Comme disait quelqu'un que je connaissais, on travaille avec sérieux sans se prendre au sérieux. Et peut-être qu'un jour on se regroupera, qu'il y aura quelque chose, un espoir, un vent de vérité, de lumière, de paix. Peut-être. Fort probablement, il n'y aura rien. Mais juste au cas où. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, les Palestiniens se font massacrer parce que dans la Bible, il est dit que les Juifs, leur endroit, leur lieu, c'est cela. Car il est entendu que dans la Bible, il n'y a pas d'erreur. Par exemple, croissez et multipliez-vous. Oh, ben maintenant, on est trop nombreux sur la planète Terre. Notre pauvre débile de Dieu ne pouvait pas considérer croissez et multipliez-vous jusqu'à ce nombre-là. Non, il n'a pas pensé. Il ne savait pas que la Terre était limitée. Il a construit le cosmos, il a tout construit, les cosmiques, il est divin. Mais, de la même façon, Dieu sait tout. Mais quand un jour il découvre Sodome et Gomorre, il dit je vais détruire cette ville. Avant ça, il ne sait pas. Dieu sait tout, mais il va découvrir que Adam et Ève l'ont trompé à un moment quand il va arriver. Avant ça, il ne sait pas. Mais Dieu sait tout. Il est omnipotent, omnipotent et omniscient. Ben non. Par définition, si vous lisez simplement l'histoire de la Bible, vous dites c'est des grosses conneries. C'est une histoire qui ne tient pas la route. Si je veux faire publier un roman aujourd'hui avec cette histoire-là, je suis foutu à la porte. Hein. Moi, je publie des histoires. Je vous garantis que j'aurai une histoire comme ça devant mon éditeur, il me faut à la porte. Il faut être sérieux. Il faudrait que les choses tiennent la route. Jésus, il va naître au mois de décembre, le 25 décembre. Et lorsque les rois mages vont arriver, ils sont en fait des gens qui viennent d'Iran, et ils vont arriver pour apporter les cadeaux au nouveau Messie, ils vont demander aux bergers. Or, j'ai vécu en Israël, hein, au mois de décembre, moi je peux vous garantir, il n'y a aucun berger. Parce que ça caille horriblement, il n'y a pas de berger, il n'y a pas d'animaux sortis au mois de décembre, parce qu'il fait très très très très froid. Donc rien que ça, c'est encore une stupidité totale, c'est une impossibilité complète. Par contre, le 25 décembre, existait la fête de Odin. La fête de Odin, c'était un dieu d'Asgard. On mettait les chaussettes devant la cheminée, ça nous rappelle quand même quelque chose, et Odin, qui était habillé tout en vert, venait et mettait de la paille dans les chaussettes des gens qui avaient suivi l'enseignement philosophique pour dire qu'ils s'étaient bien comportés, et du charbon pour dire qu'ils s'étaient mal comportés. Donc c'était une démarche philosophique, spirituelle. Et cette légende est restée, et d'ailleurs Coca-Cola n'a fait que reprendre cette légende, il ne l'a pas inventée, il l'a commercialisée, il a changé l'habit de vert en rouge, parce que Coca-Cola c'est en rouge, mais c'est tout. Il n'a absolument rien inventé. Quand j'entends des charlots qui me disent c'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël, ben renseignez-vous mes petits loulous avant de parler. Allez donc voir vos livres d'histoire. Et Odin, c'est un ami, un homme assez gras, avec un bon ventre, une barbe blanche, etc. Ah ben oui, hein, franchement. Et beaucoup de gens suivaient Jésus-Christ, qui est né au mois de mars. Et fort probablement le 17 mars, mais on n'est pas certain à 100%. Et Odin. Donc, à un moment, les catholiques, ils ont décidé de changer les dates et de dire, ben voilà, maintenant il est né, Jésus-Christ, il est né le 25 décembre. Voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc maintenant, il va falloir que vous choisissiez. Vous faites la fête de Jésus ou vous faites la fête de Odin. Vous ne pouvez pas faire les deux parce que c'est le même jour. Et c'est comme ça que les vérités absolues deviennent des vérités. Donc non, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Non, ce n'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Mais arrêtez toutes vos conneries. Mais arrêtez, laissez tomber Wikipédia. Ouvrez deux ou trois encyclopédies. Renseignez-vous un petit peu. Travaillez, réfléchissez, pensez. La matière grise là, que vous avez dans le cerveau, essayez d'utiliser un petit peu. Pour voir des choses, pour comprendre des choses. Clairement. Alors on a aussi d'autres preuves hein, qu'on peut démontrer, qui sont frappantes et qui prouvent à quel point les gens sont limités et contrôlés sans aucune réflexion. D'abord, c'était donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc c'est Auguste qui était jaloux de son père Julius, Jules César. Et le mois de Julius avait 31 jours. Donc Auguste, bah, il voulait en avoir 31 aussi. Hein, c'est normal, moi j'aurais fait la même chose. Pas question que mon père ait un jour de plus sur mon mois. Donc il a pris le dernier jour de l'année romaine, parce qu'il est très organisé, ils étaient très organisés, qu'il a rajouté au mois d'août pour avoir un jour de plus. Donc il a pris le dernier jour de février, pour rajouter au mois d'août. Donc, pardon, c'est pour ça que le mois de février a moins de jours, plus les années bissextiles, enfin moins les années bissextiles, encore moins, 28 ou 29 jours. Ça vient du fait que Auguste Jaloux a pris le dernier jour de l'année qu'il a rajouté à son mois. Donc le mois de mars était le premier mois de l'année. Donc effectivement, vu comme ça, Jésus est né au début de l'année, 25 décembre, au mois de janvier, mais au début de l'année véritable qui existait en ce temps-là. Pas de l'année qui a été créée après par les jalousies de Auguste vis-à-vis de Papa Julius. Eh oui. Et alors on peut le voir sur une chose encore plus époustouflante. Moi, le jour où j'ai découvert ça, j'étais foudrage sur ma stupidité. Le mois de septembre, ça vient de septé, qui veut dire 7. Le mois d'octobre, ça veut dire octo, qui veut dire 8. Le mois de novembre, ça vient de nové, qui veut dire 9. Le mois de décembre, ça vient de déca, qui veut dire 10. Et par ces simples noms, on voit que l'année commençait au mois de mars. Et si l'année commence au mois de mars, septembre c'est le 7e mois, octobre le 8e mois, novembre le 9e mois et décembre le 10e mois. Et pourquoi est-ce qu'on a changé ça aussi? Ben, pour d'autres raisons aussi philosophiques, c'est que janvier, c'est lié à Janus, qui est un dieu de la mort et de la réflexion. Et février, c'est, j'ai oublié, mais fait un dieu de méditation, pour reconsidérer toutes les choses qu'on a accomplies dans son année avant de recommencer. Donc janvier et février sont deux mois froids, morts, sur lesquels on médite sur la valeur de son année avant de recommencer quelque chose. Et donc on médite sur tout ça. Puis Mars, c'est le mois de la guerre. Hein. Le dieu Mars, c'est le mois de la guerre. C'est le mois où on plante les choses, c'est le mois où on agit, et ainsi de suite. Et il était de bon aloi d'enseigner aux humains d'avoir un mois qui soit un mois de janvier où tout est mort, pour apprendre aux humains à être morts, apathiques, sans réaction. Et de ne pas commencer l'année avec le mois de mars, un mois de guerre, un mois de réaction, un mois d'action. Donc, pour faire cette révolution entière, on a tout changé. D'abord, on a mis la naissance de Jésus non plus au mois de mars, mais au mois de décembre. Comme ça, c'était toujours à la fin de l'année, mais une nouvelle année. Et en plus, on niquait les croyances de Asgard et de Odin. Et puis, en plus de ça, on apprenait aux humains à être beaucoup plus faibles et soumis. Soumis. Soum, mot hébreu de valeur numérique 666, qui veut dire aveugle. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas être au courant. Je veux être soumis. 666, le chiffre de la bête. Ah ben, vous voyez, quand on met tout ça ensemble, hein, on commence à se dire « wow, wow, wow, wow, wow, wow ». Et plus vous apprenez toutes ces choses-là, sur toutes les valeurs de l'argent, de la politique, des croyances, de la psychologie, du contrôle de votre soi-disant « free will », le libre arbitre qui n'est fait que de mensonges, que de critères faux, que de programmes erronés qui ne fonctionnent pas, qui ne vous mènent nulle part, si ce n'est au fait d'être frustré, triste, détruit, et donc d'acheter énormément de façon à ce que votre pays se porte bien. Car il est entendu que le végétarisme, ce n'est pas mauvais pour vous, c'est mauvais pour votre pays. Le fait que vous soyez végétalien, c'est très bon pour vous, mais c'est très mauvais pour l'économie de votre pays. Donc manger de la viande, c'est bon pour le pays. C'est ce qu'on appelle le protocole de la progestérone. La progestérone, c'est un lait que la femme va produire les premiers jours de la naissance de bébé. Et c'est un lait qui est bourré d'anticorps pour protéger bébé et surtout de progestérone, qui est ce qu'on appelle l'hormone d'amour. C'est la plus grande quantité d'hormones d'amour que vous allez recevoir dans votre vie. Et le fait que vous ayez bu ce lait va énormément vous aider à vous équilibrer, à avoir de l'amour et ainsi de suite. Or, ce lait, étrangement, est très très bon pour la santé à tout point de vue, a souvent été appelé le lait du diable. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une population se mettait à boire ce lait, ils avaient donc tous beaucoup de progestérone, étaient beaucoup moins agressifs. Et lorsqu'il y avait une guerre avec les épées, enfin de corps à corps quoi, dans le passé, eh bien le peuple qui avait pris l'hormone d'amour était un peuple qui allait disparaître. Donc la progestérone est extrêmement bonne pour vous en tant qu'être humain, mais extrêmement dangereuse pour la survie d'un pays du passé. C'est pourquoi la progestérone... Le colostrum, pardon, a été appelé le lait du diable. C'est une question de point de vue. Et aujourd'hui, on va vous encourager à prendre le colostrum. Pourquoi ? Parce que quand vous avez cette hormone d'amour, vous êtes beaucoup moins réactif contre l'injustice. Et maintenant, le colostrum est un lait tout à fait positif pour les pays d'aujourd'hui. On vous abrutit avec le modernisme, avec Internet et avec tout le reste. Tout est calculé. Rien n'est fait pour vous, tout est fait pour le pouvoir et pour votre pays, et pour la noirceur. Il est temps pour vous, à un moment, d'apprendre la vérité, votre lien à la lumière, votre pouvoir à l'amour, votre pouvoir d'être merveilleux, d'être loin, d'être christique. Et pour cela, d'écarter au loin toute forme de noirceur, de mensonge et de diablerie. Très souvent... J'ai aussi envie de m'asseoir et de méditer. Je suis un être de lumière. Je suis lié à la lumière. Je vis par la lumière. J'existe par la lumière. Et je finirai mon corps physique par la lumière. J'ai envie de m'asseoir et j'ai envie de méditer. Et de méditer jusqu'au point où mon corps énergétique quitte mon corps physique. Où il n'y a plus rien. Mon corps s'écroule. Ce que vous appelleriez mort, ce que moi j'appellerais libre. Cette lumière m'attend, cet amour m'attend. Et j'y suis tellement attiré. Car il y a tellement d'horreur, tellement de violence dans ce monde, tellement de trahison. Je voudrais juste oublier tout cela. Partir une bonne fois pour toutes. Et puis il y a ces gens que j'ai cités. J'ai oublié Kiniku avant. J'ai oublié Ricky. J'ai des gens d'Angleterre, des États-Unis, d'Allemagne, du Japon, d'Espagne, de France, de Suisse. Oh, je ne dis pas que j'ai un grand groupe, mais il y a quelques personnes, je crois que si je n'étais plus là, ils en souffriraient profondément. Il y a aussi Annaëlle que j'ai déjà citée, et peut-être Christellen que j'ai déjà citée, qui sont mes enfants, et qui souffriraient de ma disparition, bien entendu, sachant pourquoi je suis obligé de partir. Alors souvent, j'ai envie d'arrêter. Souvent, je trouve ce chemin trop dur, trop ingrat, trop violent, trop stupide. Et puis la force de la lumière est là, par les anges, et par les regards de ceux qui veulent avancer vers la lumière, tous ces gens que j'ai cités, et qui sont là, et qui veulent vivre, qui veulent exister, qui veulent continuer, qui méritent la vie, qui méritent la lumière, qui méritent la fraternité. Comme je ne suis pas un être de pouvoir, comme je ne suis pas un être dans l'argent, je n'ai finalement pas grand-chose à leur offrir. Peut-être, qui sait, qu'un jour, quelque chose se passera. Que cela soit avec des humains ou avec des extraterrestres. Peut-être y aura-t-il un jour la lumière qui viendra, forte et puissante pour tous ceux qui le méritent. C'est ce que je veux croire, c'est ce que je ressens. C'est ce pourquoi je travaille, car le destin de l'humanité, lui, n'apporte aucun espoir, aucune lumière, aucun amour. La mort, le chaos, la destruction, le rejet, le jugement. Savez-vous, l'autre jour, j'ai vu un documentaire que j'ai trouvé très mignon, où il y a des gens qui se promènent en France et ils ont le Coran. Et alors, ils ouvrent le Coran et ils lisent à de bons Européens, à de bons Français, quelques phrases horribles du Coran. En disant, si quelqu'un vole, coupez-lui la main, si votre femme vous trompe, lapidez-la jusqu'à la mort. Quelques phrases, mais d'horreur totale. Et les bons Français qui sont là en train de dire, « Oh, alors ça ne m'étonne pas, parce que le Coran, c'est vraiment un livre pour les musulmans, c'est un livre barbare, c'est horrible. » Et puis à ce moment-là, les gens qui posent les questions retirent la fausse couverture. Et ce n'est pas du tout le Coran, c'est la Bible. Et je trouve ça très drôle, ces petits trous du cul de français, ces bons chrétiens qui viennent de l'amour avec l'Inquisition. Les Templiers, ils s'agenouillaient devant l'épée dégainée qui faisait comme un crucifix devant eux, et il répétait cette phrase, cette espèce de prière, « Nous allons enseigner à ces chiens de païens l'amour du Christ. » Bon, déjà, à la définition, que les musulmans soient des barbares, ça se discute franchement, hein, parce que rien qu'à l'introduction, moi, je ne me sens pas branché quand même. Donc, quand on regarde tout cela, je ne veux pas être là et vous dire que les musulmans sont mes amis ou que les chrétiens sont mes amis. Je vous dirais que tout être d'honneur et de dignité, d'amour et de respect, de fraternité est mon frère ou ma sœur. Et que dans ce monde de babouins, dans ce monde obscur, dans ce monde d'êtres limités avec leur pseudo-libre arbitre totalement contrôlé par le gouvernement, il y a fort peu d'êtres qui puissent être mes frères, mes sœurs, mes espoirs, ma force, ma fraternité. Seul, souvent, je contemple la vie sans mes yeux. Je regarde l'état des humains, leurs mensonges, leurs limitations, leurs terreurs. Je contemple tout cela. Et je me dis que parfois il serait mieux de se retirer, de rejoindre mes frères les anges, d'avoir la paix et la lumière, enfin de ne plus être seul, enfin d'être compris. Quand vous partez vers la lumière, vous rencontrez l'amour total. On vous demande la seule véritable question. Comment as-tu aimé? Et je pourrais dire intensément, puissamment, divinement. Je suis fier de mon amour. Je n'ai pas toujours été parfait. Je n'ai pas fait des choses grandioses toujours. Mais elles ont été grandioses dans mon cœur, et dans mon honneur, et dans ma dignité. Et je veux me rencontrer. Je veux me rencontrer à la lumière de la vérité divine. Juger ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai dit. Je suis impatient de me rencontrer devant la lumière véritable, totale, immuable, divine, christique de la mort, puis d'être avec les anges, dans cet endroit de compassion et de lumière et de vérité totale et absolue. Mais pour ce faire, ceux qui sont mes frères et mes sœurs sur terre, je voudrais qu'ils puissent être protégés, qu'ils puissent avoir cette lumière où ils ne puissent pas pleurer et souffrir à cause de mon départ. Trouver un moyen pour que ceux qui le méritent soient protégés est une avancée, un espoir, un chemin de lumière. Ils ne sont pas nombreux, mais ceux qui le méritent par-dessus tout. Je ne sais pas si j'aurai ce pouvoir avant de partir. Et je ne travaille que dans ce sens-là. Puissiez-vous, vous qui m'entendez, sentir que vous puissiez vous sentir unis dans ce souhait, dans cette force, dans cette volonté, pour faire partie de ces frères et de ces sœurs qui méritent la lumière, ou de ceux qui peuvent m'aider, car enfin plus nombreux vous êtes à espérer cette vérité totale, cet amour véritable, et plus cela peut être possible avant mon départ. Je ne vous dis pas que cela sera, mais cela est dans mon cœur, et cela peut devenir à travers suffisamment de cœur et de pure volonté. Il est temps que l'obscurité s'écarte, que l'horrible destin de l'humanité s'évanouisse, pour qu'advienne pour ceux qui le méritent et qui le veulent un destin de lumière, une évolution d'amour, un chemin de paix, de fierté et de dignité. Alors, et seulement alors, je pourrais sourire et partir en paix. C'est mon plus grand désir. Et pour cela, j'ai besoin de l'aide de tout être qui se sent touché par ce que j'enseigne. Actuellement, je suis attaqué en justice parce que j'ai révélé des horreurs sur ceux qui pratiquent le pranisme avec décès de personnes. Actuellement, je vais être attaqué en justice par la FBU parce que j'ai osé critiquer certaines actions du maître Amram. Et dans tous ces conflits, je suis seul. Seul contre tous. Seul contre le mal. Et pourtant, trois réunis en son nom, il est déjà présent en nous. Et plus nous sommes, et plus sa force est là. Plus nous aimons, et plus son essence est là. Plus nous comprenons, et plus nous sommes nombreux à comprendre, et plus sa volonté est là. Quand l'ensemble de ses forces sont là, en nous, à travers nous, pour nous, tout est possible. Et un destin autre nous est offert. Voilà, non pas pour moi qui vais mourir, mais pour vous qui allez vivre, ce que je veux vous donner avant de partir, mon plus beau cadeau, mon plus grand souhait, ma volonté, qui est la volonté du Tout-Puissant. Et lorsque je parle ainsi, Mon Père céleste parle aussi avec moi. Que cela soit, et cela est.